Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Il vous parlait tout le temps, on se croirait au théâtre. Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ça y est, nous y sommes presque. Le Festival d'Avignon sera lancé dans quelques dizaines de jours. Ce rendez-vous incontournable du monde du théâtre. Mais qu'est-ce que c'est Avignon? Est-il vraiment un passage obligé pour les compagnies de théâtre? Nous avons rencontré Clotilde Morgièvre et Jean-Christophe Dollet de la compagnie Fouic, qui seront une fois de plus présents à Avignon pour présenter leur nouveau spectacle « Je vole » et le reste je le dirai aux ombres. Nous avons profité de leur expérience personnelle pour parler Avignon et création, investissements financiers et précautions à prendre. Enfin bref, nous avons tenté de donner un bout de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait faire du théâtre? Bonjour la compagnie Fouic. Bonjour. Donc nous sommes avec Clotilde et Jean-Christophe de la compagnie. On vous rencontre aujourd'hui parce que vous allez jouer au 11 Gilgamesh Belleville à Avignon. Vous allez présenter votre pièce Je vole et le reste je le dirai aux ombres. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pièce? Comment est-ce que le projet est né? Parce que c'est inspiré d'un... Enfin, c'est pas un fait divers enfin... Ouais, d'un fait réel, disons. C'est un fait réel, ouais. C'est très, très, très, très, très lointainement adapté d'un fait réel, puisque on a pris le parti de prendre l'histoire de Richard Durne, qui est donc cet homme qui, en 2002, avait commis la tuerie de Nanterre, puisqu'il était entré dans le conseil municipal pour tirer sur les membres du conseil municipal. Et à partir de cette dramaturgie de base, puisque le lendemain, il a été arrêté, et puis il s'est défenestré, cette situation dramaturgique très forte, en fantasmer autour de ça, et se mettre dans sa tête au moment où il saute. Et de cette seconde pendant laquelle dure la chute, faire une sorte de rétrospective de toute son histoire, de tout son passé, de toutes ses rencontres. Et voilà, dans cet instant suspendu, essayer de trouver les clés de cet enchaînement de choses qui ont fait qu'il en est arrivé à cet acte ultime et à ce chaos absolu. Donc c'est très fantasmé. C'est très fantasmé, mais avec une base réelle. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un seul en scène ou il y a plusieurs comédiens au plateau? Alors non, on est trois. On est trois parce qu'on incarne chacun alternativement tous les personnages qui ont croisé sa route. Il se trouve que lui, Richard Durne, le personnage, n'est jamais présent sur scène. Il n'existe pas. Il n'existe qu'à travers une voix off et il n'existe qu'à travers des dialogues qu'on a avec lui, mais qu'on fait tout seul en fait, puisque c'est comme si la scène était vue par une caméra subjective, par ses propres yeux, puisque c'est ses souvenirs qui renaissent au fur et à mesure. Et donc il voit les personnages de son passé, mais qui s'adressent à lui, donc lui on ne le voit pas. D'accord. En fait. Et on n'entend pas ses réponses, on n'entend que sa voix, comme ça en filigrane, de loin en loin, pendant la pièce, qui vient faire des petites incursions dans la dramaturgie. D'accord. Et c'est une première présentation, là, à Avignon, cette année? Oui. Ou la pièce a déjà été jouée avant? La pièce a déjà été montrée, puisqu'on est en résidence de création à la MTD d'Épinay-sur-Seine depuis 3 ans maintenant. Et donc, on a la charge de montrer nos spectacles en sortie de résidence. Donc elle a été montrée déjà lors de 2 représentations où les gens l'ont vraiment très très bien reçue. On avait un peu peur de ce parti pris qui est un peu surprenant, mais il fonctionne, visiblement il fonctionne, donc ça c'est un grand soulagement. Et ce sera une première ouverte au grand public à Avignon cet été. D'accord. Et pourquoi le choix d'Avignon? Enfin, pourquoi est-ce que vous présentez à Avignon et pas Avignon, sur Paris, vu que vous êtes à Paris? Ouais, Avignon, c'est un peu notre... c'est un peu là qu'on s'est créé, c'est un peu là qu'on s'est trouvé, c'est un peu là que la compagnie s'est constituée, qu'elle a créé ses premiers contacts, ses premiers appuis en termes de tutelle, en termes de lieux, de partenaires. C'est aussi là qu'on touche le plus de programmateurs. On a joué à Paris pendant 5 mois au théâtre Tristan Bernard, un spectacle, et on avait joué à Avignon, on a beaucoup plus de programmateurs à Avignon en 3 semaines qu'en 5 mois dans un grand théâtre parisien. Donc, donc la question se pose plus pour nous, c'est on sait que Avignon est indispensable, même si c'est très difficile émotionnellement, financièrement, c'est quand même c'est un coût. C'est un risque énorme qu'aujourd'hui nous on est conscient de maîtriser. Et on est conscient que pour nous, il est à peu près finalement calculé et rentable dans notre histoire à long terme. Mmh. Mais parce qu'on est une compagnie qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, parce qu'on a des projets à long terme. Avignon, c'est pas toujours valable pour tout le monde. Enfin, moi, je conseille à une compagnie de bien préparer son Avignon et de ne pas partir à tout prix à Avignon parce qu'on peut aussi y mourir. Hein. Une compagnie peut terminer sa vie à Avignon parce que c'est une ruine, parce que c'est, encore une fois, émotivement, émotionnellement, c'est très dur. C'est une tension permanente, c'est une fatigue énorme. Il y a des équipes qui explosent à Avignon parce que la tension est telle que finalement ça fait ressortir des conflits de manière disproportionnée. Donc voilà, Avignon, moi je suis très partagé. Je sais qu'aujourd'hui pour nous c'est bien. Je sais que c'est pas bien pour tout le monde et je sais surtout qu'il faut savoir où on met les pieds. Je sais que c'est pas bien partout non plus. Avignon. Le Off d'Avignon, ça a l'air d'être une entité, c'est pas du tout une entité. Le Off d'Avignon, c'est plein de théâtres qui fonctionnent complètement différemment les uns des autres. Il y en a certains qui ont une vraie politique, un vrai engagement, un vrai souci de leur programmation. Il y en a, c'est un peu moins le cas, ils prennent un peu tout ce qui arrive, ils n'ont pas forcément une ligne éditoriale très forte, ils n'ont pas forcément des conditions d'accueil très sérieuses. Et pour des tarifs qui parfois sont disproportionnés. Mmh. Donc voilà, il faut vraiment bien se renseigner là-dessus. Et voilà, moi, je suis engagé dans un collectif depuis un an, justement pour essayer de diffuser les informations, que les gens puissent aller se renseigner. Mmh. On a créé un site internet et c'est ce collectif qui s'appelle les Sentinelles. Et là, pour justement créer un lien entre les compagnies, des compagnies au théâtre, et essayer de mettre un peu d'organisation dans cette grande foire avignonnaise, quoi. Et quelles sont les retombées concrètement? Le but, c'est d'être programmé. Bien sûr. Alors, le but. Après, à Paris. Le but, c'est de trouver une tournée, hein, puisque c'est sur les tournées qu'on rembourse nos frais. Donc de pouvoir tourner le spectacle, c'est-à-dire de rencontrer un maximum de programmateurs de province qui, eux, ont une saison culturelle à créer et qui viennent à Avignon justement pour découvrir des spectacles. Donc nous, effectivement, ça fait un petit moment qu'on travaille, qu'on joue à Avignon, on a beaucoup tourné. Donc on a des partenaires un peu historiques dont on sait qu'ils viendront. Et qui viendront voir notre travail. Ça ne veut pas dire qu'ils achèteront systématiquement nos spectacles, mais ça veut dire qu'ils ont une oreille attentive, un œil attentif pour notre travail. Et donc, on est à peu près certain de rencontrer une centaine, entre 100 et 200 professionnels sur un Avignon, ce qui est énorme. Oui, c'est sûr. Ce qu'on ne fait pas dans une période semblable à Paris, c'est sûr. Après, tout ça reste très hypothétique, hein, ça dépend du spectacle. Donc, on n'est pas du tout certain de vendre un spectacle. Même si on est en très bon rapport avec des programmateurs, on n'est pas du tout certain de vendre un spectacle. Il faut que ça corresponde à, encore une fois, une ligne éditoriale d'un lieu, à une cohérence de programmation, à des envies. Il faut que ça corresponde à un public, il faut que ça soit qu'un programmateur puisse le vendre à ses élus, puisque souvent c'est des théâtres municipaux, donc ils sont en lien avec leurs élus à la culture de la mairie, qui eux n'ont pas forcément un regard aussi aiguisé que les directeurs de programmation sur le théâtre. Donc il faut réussir à vendre un spectacle, même auprès de sa propre équipe, en fait. Donc il faut savoir que des lieux ont un cahier des charges quand même à remplir. Ils doivent avoir une certaine partie de leur programmation destinée au jeune public, par exemple. Ça, c'est quasiment un truc certain pour tous les lieux. Il y a souvent des lieux qui ont une partie un peu musicale. Il y a dans une programmation de théâtre de ville, il y a quand même à peu près de manière systématique un classique ou disons un auteur connu très très très familial, un Feydeau, un Molière. Voilà, on est à peu près sûr de retrouver ça chaque année dans une programmation. Et dans les interstices, eh ben, il y a de la place pour des compagnies comme nous qui proposons des spectacles un peu plus indéfinissables, un peu moins faciles à vendre auprès du public. Et voilà, et c'est dans ces petits interstices-là qu'on arrive, quand le spectacle résonne, pour des programmateurs, à trouver notre place. On en parlait tout à l'heure entre nous, donc Clotilde est comédienne, mm-hmm. Vous avez fait l'ESSAD ensemble. Et finalement, elle s'improvise. Maintenant, du coup, c'est ce qu'elle fait, mais elle s'est improvisée au tout départ administratrice. Mm-hmm. Parce que pour une petite compagnie, au début, il y a 10 ans, forcément, on ne peut pas embaucher une administratrice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de l'aide au niveau de la diffusion des relations presse? Parce que comment on fait pour exister à Avignon? Parce qu'il y a énormément de spectacles. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un programmateur vienne voir votre pièce plutôt qu'une autre, parce que humainement, c'est pas possible de faire toutes les pièces qu'il y aura. Non, alors il y a une première chose, c'est que nous, étant maintenant des anciens d'Avignon, c'est vrai qu'on a un certain nombre de personnes qui nous suivent, donc qui sont déjà attentifs à quand on va jouer quelque part, qui sont au courant. Vous les rappelez. Après, on fait un travail de mailing, d'envoi courrier, etc. Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des bureaux de diffusion extérieurs. C'était pas exactement notre manière de fonctionner idéale. Et depuis cette année, on a décidé d'embaucher quelqu'un dans la compagnie, qui soit vraiment représentant de la compagnie et qui ne soit pas seulement représentant d'un catalogue de pièces qui doivent présenter aux diffuseurs, mais qui parlent avant tout de la compagnie. Et ça, c'est très important pour nous que l'interlocuteur que les programmateurs vont avoir soit vraiment parle au nom de la compagnie, c'est-à-dire avec notre état d'esprit, avec le travail qu'on fait aussi, qui n'est pas visible. Mais un spectacle, c'est la partie émergée d'une compagnie. En dessous de ça, il y a toute une partie immergée qui est un travail sur le terrain, avec un travail de résidence, de création, un travail d'atelier, d'action culturelle. Nous, on crée beaucoup de petites formes itinérantes. C'est des petits modèles d'une demi-heure qui sont des spectacles très courts, mais qu'on va jouer partout. Hors les murs, voilà. Voilà. Et ça fait vraiment partie de notre travail au long cours, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas envie de rencontrer seulement un lieu dans un rapport de vendeur et d'acheteur, mais dans un rapport de collaboration autour d'un spectacle, autour d'une programmation, et comment on peut ensemble faire vivre ce théâtre pendant un moment, un mois, deux mois, trois mois, un an. Et donc on se présente comme un travail global et pas seulement comme un spectacle qui est un moment ponctuel, très ponctuel dans une programmation, mais au contraire comme une force de proposition et de collaboration pour un théâtre avec son public. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre premier Avignon? Depuis combien de temps votre compagnie existait? Quel spectacle vous avez présenté? Alors, on est né en 2001 Et notre premier Avignon, c'était en 2006, je crois, c'est ça? Ouais, on a fait un pré-premier Avignon en 2004. On a eu une semaine. Avec un spectacle où un théâtre nous avait accueillis une semaine gratuitement, ouais. Parce qu'il y avait un de ces spectacles qui s'arrêtait plus tôt que prévu. Donc on s'était improvisé totalement un premier Avignon, ouais. Où on avait joué une semaine et où on n'avait pas fait de pub. On n'était pas dans le catalogue, on n'avait pas d'affichage, on n'avait rien, on avait quelques tracts, mais point barre, quoi. Et ça avait bien marché. Et puis il y avait eu un peu de monde, ouais. C'était très étonnant. On avait rien dépensé comme argent, donc ça nous a on pas. On était contents. Voilà, ouais. On était plutôt contents de ce qui nous arrivait. Ouais. Et puis ça a été l'occasion de mettre en place un spectacle qu'on n'aurait peut-être pas créé si on n'avait pas eu cette opportunité. Le vrai commencement pour nous d'Avignon, ça a été en 2006 avec un spectacle qui s'appelait Blue.fr. Et qu'on avait créé à trois avec un troisième comédien qui s'appelait Yann de Monterno et qui était vraiment notre premier truc, on ne savait pas ce que ça allait être. On l'avait joué dans un théâtre qui s'appelle La Fabrique Théâtre à Avignon, qui est un tout petit peu en dehors des remparts, mais qui est tenu par une compagnie. C'est vraiment des gens de théâtre, c'est vraiment des gens qui aiment le théâtre. Et c'était vraiment, on s'est retrouvés dans une famille et c'était très très agréable. C'était notre premier Avignon et c'était vraiment super. Ouais. Nous, on ne comprenait même pas comment il y avait des gens dans la salle. On se disait, mais d'où viennent tous ces gens? On n'avait pas énormément de monde, mais nous, on avait l'impression que c'était énorme. Ouais. Et on était heureux. Hein. Aussi, en fait, je crois qu'on a toujours été contents. Ouais. On avait collaboré avec ce théâtre-là qui nous avait dit... on leur avait dit, écoutez, on n'a pas l'argent, on ne peut pas. On ne peut pas payer le prix que vous nous demandez. Donc, on leur avait envoyé une toute petite vignette vidéo d'un bout de notre spectacle. Et là-bas, il nous avait dit, oh, écoutez, on a trouvé ça super, on vous prend. On vous prend à un tarif défiant toute concurrence. Et on s'était dit, bon allez, on y va, et puis on verra bien ce qui nous arrive. Et l'année d'après, on est retourné avec le même spectacle, et là ça a été un carton, c'était au Buffon. Ouais. Et alors, vraiment, c'était plein. On regardait à travers le petit trou du rideau, et on se disait, mais c'est complet, il y avait 110 personnes tous les jours, c'était dingue. Voilà. Et puis alors c'est là qu'on a eu les premières institutions qui sont venues du coup, parce que ça a fait boule de neige. Et c'est la première fois qu'on a commencé à être vu par la DAMI, par des conseils départementaux, des municipalités. Mais si on a intéressé les gens aussi, je pense que c'est parce que c'était mine de rien un petit risque qu'on prenait. Mmh. Ce spectacle... Ouais. Voilà, c'était pas, on était personne, on avait décidé de monter une création qui venait de nulle part, c'était pas un auteur connu, c'était pas des acteurs connus, c'était pas un metteur en scène connu, il n'y avait pas de texte connu, et puis je pense qu'on a attiré la sympathie des gens parce qu'on avait pris un risque un peu... Mais je pense que ça devrait être ça, Avignon, en fait. Mais oui. Mmh. Avignon devrait être un lieu de création et je pense que du coup, petit à petit, il y en a de moins en moins, ce qui fait que finalement, ceux qui font de la création attirent aussi un certain public et des programmateurs. Mais c'est plus risqué. Oui, parce que vous engagez du coup, enfin peut-être encore plus à l'époque, vous engagez des fonds personnels aussi. Oui. Ah oui. Ah bah au début, on a commencé avec notre argent. Donc c'est la pression de... Bien sûr. On a envie... Enfin... Il faut que ce soit un investissement et pas juste une dépense. Ben, vous puissiez vous rembourser. C'était un pari un peu fou parce que évidemment on jouait notre vie financièrement parce que c'était notre propre argent, donc il fallait absolument qu'on s'y retrouve. Et en même temps, on dépensait moins parce que on était hyper ric-rac dans les budgets, on dormait tous dans la même chambre, que voilà, qu'on avait un confort beaucoup bien moindre, que on avait réussi à dealer des tarifs vachement intéressants, donc voilà, les dépenses étaient moindres. Et à Dani, ça nous a transformés. Ça nous a donné confiance, on rentre aussi dans une famille, c'est un peu... La Fabrique, il y avait ce côté un petit peu famille, et tout à coup, c'est vrai qu'à Avignon, c'est tellement une jungle, que du coup, on a besoin de se retrouver dans des petits groupes. Et la DAMI, c'est vraiment ça, c'est une famille, c'est des gens qui sont vraiment quand même géniaux, qui vont voir tous les spectacles, ils aiment vraiment le théâtre. C'est des acteurs, hein. C'est des acteurs. Quand ils t'aident, ils ont envie de savoir ce qu'ils ont aidé, ils, Ils sont curieux de toutes les nouveautés. Enfin, ils sont vraiment... Et puis ils nous obligent aussi à nous professionnaliser. À être, et ça, c'est important. C'est vachement important. Parce qu'une petite compagnie... commence toujours par faire les choses de bric et de broc et c'est comme ça aussi qu'on arrive à émerger, c'est ce qui nous est arrivé. Il faut quand même toujours aller dans le bon sens, c'est-à-dire aller dans le sens d'une professionnalisation et de faire les choses de mieux en mieux, administrativement. Le minimum syndical, ça c'est important. Et c'est là qu'on devient exigeant que les exigences aussi augmentent, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer n'importe où, dans n'importe quel lieu, qu'on ne va pas habiter n'importe où non plus, qu'on fait en sorte que les gens de l'équipe soient bien logés, soient bien nourris, que le spectacle soit vu dans les meilleures conditions possibles, parce que Avignon, ça doit quand même être un lieu où les spectacles... sont vus au mieux de ce qu'ils peuvent être. Sinon, on se complaît dans l'amateurisme et il ne faut pas. Je pense vraiment que c'est très important que et les lieux et les compagnies soient exigeantes sur la représentation qu'ils vont donner à Avignon. Tellement d'énergie à mettre ailleurs et tellement de temps qu'on en oublie qu'il y a un moment qui compte à Avignon, c'est quand même le moment de la représentation. Et ça, il faut que ça soit un moment sacré. Que ce soit toute notre énergie converge vers ça et le spectacle soit au meilleur de ce qu'il peut être. Et que les programmateurs qui vont venir à Avignon voient le spectacle tel qu'il doit être. Comment vous vous préparez ? Enfin, déjà, quand est-ce que vous déposez vos dossiers ? Enfin, ça se prépare combien de temps à l'avance à Avignon ? Et puis, est-ce que vous répartissez les tâches pour être efficace ? Comment est-ce qu'on communique ? Pour la presse, Flora, qui est un pilier de la compagnie depuis le tout début, qui travaille sur la com et sur la presse. Donc, pour le partage des tâches, c'est ça déjà un petit peu. Pour le timing, je pense que... D'une année sur l'autre, hein, on a commencé, par exemple, nous, pour le théâtre, on a commencé à en parler à FIDA et... Il n'y a pas tout à fait un an. Ouais. Si tu veux savoir à quelle période il faut commencer à préparer Avignon, je dirais qu'Avignon, ça se prépare en permanence, en fait. Alors évidemment, il y a un timing d'envoi des dossiers, de subventions, tout ça, c'est, allez, on va dire, 6 mois à l'avance, quoi. Minimum, ouais. 6 mois à l'avance, il faut avoir son dossier, il faut avoir fait ses demandes d'aide, il faut avoir... Donc en décembre, pour les théâtres, en décembre, tout est joué, quoi. Après, il reste toujours des places dans des théâtres, mais pour choisir son théâtre, il faut le faire d'une année sur l'autre, quoi. Pour choisir son théâtre et son horaire. Et son horaire. Et c'est quoi l'horaire idéal ? Il n'y en a pas. Nous, on a fait nos plus grands succès à midi. Ouais. On nous dit souvent que le meilleur horaire, c'est 16h-18h, en fin d'après-midi. Nous, on a joué plusieurs fois à 22h. En plus, c'est des spectacles durs, donc... C'est pas terrible. Je pense que 22h dépend du spectacle. Pour des spectacles musicaux, pour des spectacles plus légers, ça peut marcher sûrement. Nous, c'était des moments difficiles à faire. Pour une équipe, c'est dur en plus d'être concentré toute la journée pour arriver à 22h et jouer à 22h. C'est-à-dire qu'on a. Il n'y a aucun moment de relâchement. Il n'y a aucun moment de répit. On pense aussi aux régisseurs qui, eux, bossent sur plusieurs spectacles et qui n'arrêtent pas pendant un mois. Pour résumer, donc un peu tout ce qu'on s'est dit. Quel conseil vous donneriez à une jeune compagnie ? Avignon, pas Avignon ? Est-ce qu'on prend le risque ? Pas à tout prix. Moi, je dis pas Avignon à tout prix. Renseignez-vous bien sur les conditions d'accueil. Renseignez-vous bien sur la manière dont un lieu gère la technique. Et puis ne pas y aller pour se faire un délire à Avignon. Histoire de dire qu'on y allait. Voilà. Non, c'est trop pas risqué. Ça. Moi, je pense que ça nuit à la fois aux compagnies qui y vont et qui se ruinent, à la fois aux compagnies qui ont travaillé correctement pour faire un Avignon, puisque ça les noie dans un peu plus de propositions. Ça nuit aux spectateurs parce que finalement, ils ne vont pas avoir des spectacles toujours de qualité. Et voilà, se faire son délire Avignon, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Avignon, il faut que ça reste un lieu... de culture, où il y a des vraies propositions artistiques, réfléchies, pensées, du point de vue de la production avec un peu de fondement et réfléchi et calculé. Et il faut bien, voilà, faut bien calculer les choses. Voilà, donc faisons les choses sérieusement, tous. Et je pense que... Avec joie, il faut croire en son spectacle à mort. C'est le spectacle qui doit être au centre de tout. C'est vrai, hein, c'est... on l'oublie hein, trop, parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Ouais. Mais le spectacle doit être au cœur de tout. C'est... Voilà. Et ben, on peut... Bravo pour ce mot de la fin. On ne peut que recommander donc, d'aller voir ce spectacle très abouti. Je vole et le reste, je dirai aux ondes. Donc, il y a une écriture de toi, Jean-Christophe. De moi, ah ouais. Absolument. Et qui sera donc au 11 Gilgamesh Belleville, qui est la réunion de Fida Moïsen, qui était le direct, enfin qui est toujours le directeur de la compagnie Gilgamesh, et de Laurent, qui est aussi le directeur du théâtre de Belleville. Et les deux donc se sont retrouvés pour créer un nouveau lieu à Avignon, où il y aura plein de salles, plein de spectacles, je crois, presque 25 spectacles. Ouais, il y a 3 salles, ouais. Donc, une programmation danse au 11 ouais. Et avec vous. C'est un festival à lui tout seul. Bon, et ben bonne chance pour Avignon et merci. Puis à très bientôt. Ouais. Merci, au revoir.